Rion malgré tout, le monde va mal, mais le CAC 40 va bien. Donc il y a déjà un truc qui va bien. On a entendu que ça allait bien. La bourse va bien. Alors écoutez, la terre continue de tourner. Allez, écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Hélène Chevalier, c'est en effet notre dernière. Venez monter boire un coup. J'arrive. Et à chaque fois que je dis monter boire un coup, je dis bonjour au CSA, bien sûr. Si le CSA veut se joindre à nous et monter boire des coups avec nous. On peut boire du jus d'orange aussi. Oui, mais non. Non. Non. Écoutez, c'est la bière. Comme disait mon arrière-grand-mère, puisque le mal nous accable, avalons la douleur. Et écoutez ce qui s'est passé. J'ai une copine qui disait ça aussi. Ce matin. Et qui est morte. Allez, ça va, écoutez la dernière d'être en famille, chers auditeurs, avec notre parrain. Écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Salut les amis. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est fini. Mais Alex, on va revenir l'an prochain. Oui, mais vous allez tous me manquer. Et moi, qui est-ce que je vais ennuyer cet été? Guillaume, mais enfin, ne t'en fais pas, tu vas trouver. Enfin. Oui, je sais, mais j'aimais bien l'idée d'être payé pour ennuyer les gens. Ah, c'est vrai que c'est un beau métier quand même. Hein. Et ouais. Moi, Charline, tu vas tellement me manquer. Oh, André, toi aussi, tu vas me manquer. Charline, je pourrais t'appeler cet été pour te faire des chroniques par téléphone. Ah, c'est gentil, André. Bah, tu pourras les laisser sur mon répondeur. Non, mais hein. Je préfère te parler. Ah, mais pourquoi? Mais parce que sinon personne va me couper, ça pourrait être très très long. Ah, oui, et vrai, toi, oui. Clara, je vais te manquer. Non. C'est bien ce que je pensais. Moi aussi, vous allez me manquer. Oh, bah Samir. C'est vrai, même toi, Samir, tu vas me manquer. Bon, enfin, mais Samir, tu vas faire un peu de sport cet été. J'ai prévu un stage de curling. Ah, bah c'est bien ça, c'est bien. Mais... Ouais, mais je vais d'abord m'acheter une nouvelle raquette. Mais Samir, le curling, ça se joue pas avec une raquette. Ah bon, vous êtes sûr? Ah, bah c'est parfait, Samir, change rien, t'es déjà prêt pour la rentrée, toi. Clara, t'es certaine que je vais pas te manquer un peu? Non. Toujours pas. Mais toi, Manu, tu dis rien, tu t'en fous, c'est ça? Mais non, mais moi, je suis le chef, je dois être à Rock. Mais voilà. D'accord, mais ça te touche quand même qu'on se sépare pendant 2 mois ou tu t'en fous? T'as bu ou quoi? Ça me touche, mais enfin, voilà, il faut montrer l'exemple. On a encore une émission. On va manquer ou pas? Ah oui, vous allez me manquer tellement. C'est bon, Clara, maintenant que tout le monde pleure, tu peux me le dire, je vais te manquer. Non! Bonjour la France Inter, hello Hollywood Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui attache l'actualité par les pieds, qui depuis un an fait n'importe quoi, avec les 3 informations qui vont finir la tête en bas jusqu'à 18h. Le politique et le chanteur n'ont pas le même sens du retour. Les chanteurs n'arrêtent pas d'annoncer leur comeback, mais eux, ils ne reviennent jamais. Ça tombe bien, les préférés des Français sont ceux qu'on ne revoit jamais. Tu en as marre d'être à la mode? À ta mode. Deviens ringard. Le sujet choisi par Guillaume Meurice, les frondeurs du PS sont tentés de claquer la porte. À vrai dire, la tentation existe dans tous les partis, chez les Républicains, au FN, même à Nouvelle-Donne. Bref, ça s'engueule partout. Alors c'est ça la stratégie moderne? Réunir 5 trous de balle en cercle et balancer des... Et balancer des fions. Un agent secret de moins, mais il est britannique et tout le monde le reconnaissait à son chapeau melon. John Steed n'est plus. Allô? Vous êtes Tara King? C'est elle. John Steed est-il là? Ah non, il n'est pas là. Et voilà. Vous voyez que j'ai très très très bien préparé cette émission. J'avais oublié le son. Et pour maltraiter ces infos, je suis accompagnée du dandy de la blague, Alex Vizorek. Ah là là, Patrick Macny, un exemple pour tous les dents. La parole, ce qui me permet, Charline, vous remercier pour cette saison où vous fûtes aussi professionnel que détendu. Au nom de toutes les équipes, je voudrais vous tirer nos chapeaux melons. Vous noterez sa feuille, hein, qui est un lambeau de feuille. Et voilà, je vous manquerai pas. Voilà. Autour de la table, et je voudrais commencer par eux, car ils sont là depuis la première émission. Nous étions ici avec notre parrain. C'est vous, le public. Vous êtes plus que tout autour de la table avec nous. Et j'espère que vous vous en rendez compte, car on vous entend rire depuis vos voitures, vos bureaux, vos chambres d'hôtel après vos relations extra-conjugales. Merci d'être de plus en plus nombreux à 17h. Et donc avec vous en vrac, car aujourd'hui, certains chroniqueurs prendront la place de Charline pour traiter les sujets. Il y aura l'ultra-brillant André Manoukian. Bonjour André. Bonjour Alex, bonjour Charline. Caroline. Vous avez prêt, vous avez travaillé? Ouais, je vais vous parler de l'éternel retour. C'est un concept de Nietzsche, mais qui, enfin, c'est un article du Figaro, mais on s'en fout de l'article. C'est par contre, le concept de Nietzsche, il est super intéressant. L'histoire de votre vie. C'est ça. Il y aura l'extra taquin. Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Vous avez traité politique? Oui, politique pour emmerder un peu notre parrain. Et voilà, c'est tombé sur vous aujourd'hui. Il y aura l'Uber excellent Samir Bouadi. Bonjour Alex, bonjour Charline. Et donc le chapeau melon, c'est pour vous? Bah oui, on va parler un peu d'un mythe, d'une légende de l'Angleterre. Voilà, c'est très beau tout ça. Et il y aura la surinaccessible Clara Dupont-Melo. Bonsoir, bonjour Alex. On dit non, parler. C'est bien non. C'était sincère en tout cas. Vous allez nous parler de quoi, chère Claire? De comment rater ses vacances. Très bien. En me quittant pendant 2 mois. Et il viendra clôturer l'émission, il viendra clôturer la semaine, il viendra clôturer la saison. Hein. Ce sera Frédéric Fromet. Allez, chaque jour, nous sommes accompagnés d'un référent de la République. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de notre parrain qui nous porte tant de chance. Merci. Oui, dans ce studio, vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous René Coty, mais ça, tout le monde le sait. Maintenant, ça fait 3 fois qu'on vous le dit. Vous venez de perdre un parrain. Vous pensiez que ça allait passer. Non, ça passe pas. Un parrain qui a découvert le syndicalisme avec les anarchistes en 87, l'année où TF1 est privatisé en même temps que le cerveau de ses téléspectateurs. Oui. Vous intégrez la troupe du Petit Théâtre de Bouvard en 82 quand Batiston se fait faucher par Schumacher. Schumacher. Vous devenez co-auteur des Guignols en 92, c'est l'année du permis à points, et vous fondez le parti Nouvelle Donne avec Pierre Laroutourou en 2013, au moment où Gégé devient citoyen russe. Notre parrain, c'est... Allez, dites-le. Non, Bruno Gassio, c'est moi, c'est Bruno. Bruno Gassio. Merci de votre indulgence. Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bruno Gassio, notre parrain, parce qu'il infuse un esprit depuis cette émission. Ah ben quand voilà. J'entends depuis en 92 le permis à points, oui, j'ai insufflé un esprit. Oui, ça, j'y suis pour rien. Il n'y a pas de on a pris un sage, on a pris quelqu'un d'expérience. C'est l'esprit René Coty. Voilà, c'est ça. Il faut assumer. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui est René Coty au moins? On a fait des manifs, Bruno Gassio et moi. On disait Coty, ça suffit. De Gaulle, démission. Quelle jeunesse. Coty par Bruno Gassio, c'est-à-dire? Ah non, je ne sais pas plus que vous. Ah oui, non. Mais moi, au moins, j'en fais pas une vanne. Et nous, on vous a libéré. C'était une info, c'était une invasion. André et moi, on vous a libéré de Gaulle. On vous a libéré de ses pesanteurs. Aujourd'hui, si vous pouvez dire n'importe quoi à la radio, remerciez Choron, remerciez Cabana, remerciez Manoukian, et remerciez moi. Et remerciez le général de Gaulle. Et l'ORTF. Et l'ORTF. Et le maréchal. Bruno Gassio. Vous êtes à la tête de la fabrique et la production de Canal+, de fiction, notamment Hard, qu'on peut voir en ce moment sur Canal+. Oui. C'est la 3e saison de Hard. Alors, la critique est unanime. C'est toujours une série qui est très, très, très attendue. Pourtant, pour l'instant, il y a eu 3 saisons en 7 ans. Alors, Télérama adore aussi, mais vous fait passer pour des petites bites. Hein. Excusez-moi, mais écrit Hard ferait passer les revenants pour des éjaculateurs précoces. Oui, sans déconner. Parce que, alors, ils vous aiment beaucoup, mais c'est sur le rythme. Il y a 3 saisons en 7 ans. C'est ça la qualité. Alors, on y va lentement. C'est bien quand c'est fait. En amour, exactement. Voilà. Moi, c'est pareil. L'idée, c'est de prendre son temps. Votre dernier coït remonte à quand, même en éclat? Il est en cours encore. Il fait des pauses. Bruno, continue. C'est en cours. Non, mais c'est ça. On a flirté avec les scénaristes, ou la scénariste, qui s'appelle Camille Pouzol. On a flirté pendant 2 ans, à savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment tu t'habilles, tu mets quoi, tu mets tes bas, on fait un peu cuir, comment on fait. Et puis à un moment, on se dit, allez, on y va. Et puis pendant une année, ça se déchaîne. Ouais. Et puis à un moment, on lâche tout. Et puis hop, ça arrive à l'antenne. Voilà. C'est pour ça que Hard, on met du temps. Il faut des préliminaires. D'accord. Oui, sacré préliminaire. C'est 2 ans de préliminaires, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est à l'époque où on faisait la cour. Maintenant, on fait pas la cour. On envoie un SMS. On se met sur Tinder. Mais le Moyen Âge a du bon. Moi, j'ai toujours dit moi. C'est combien de temps les préliminaires au Moyen Âge? Comme ça me donne une idée. Il y a des épreuves. Alors, moi, on m'emmerde avec Coty. Toi, c'est le Moyen Âge. C'est-à-dire le cunilingus avec la ceinture de chasteté, c'était pas facile. Non, mais elle ne les avait pas. Mais il y avait des épreuves. Hard 3, c'est en ce moment sur Canal+. C'est en ce moment, oui. Écoutez, chers auditeurs, on va les laisser parler entre eux. Moi, je te parle de Hard. Hard, c'est formidable. C'est sur Canal+, en ce moment. Il y a plein de Belges dedans. Il faut aussi pouvoir retrouver les comédiens, les acteurs qui se dégagent du temps, etc. Ça, c'est vachement difficile. Est-ce que c'est aussi un frein à ça? C'est que chacun ses projets de son côté, ah, et oui, donc oui, on peut pas en France arriver à une récurrence, si, une peut, locomotive. On peut arriver à une récurrence, mais il faudrait bloquer les gens dès la saison 1. On leur dit, on fait une saison 2, on commence dans 6 mois. Sauf que nous, on fait pas ça. On attend toujours qu'il y ait un petit peu de résultats. On se dit, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. On y va doucement. Et une fois qu'on décide, il faut bloquer les comédiens. Rien que ça, ça prend un an. Surtout quand on a comme une série comme Hard, qui est une série chorale où il y a 8 rôles principaux, ça devient compliqué de bloquer tout le monde aux mêmes dates pendant 3-4 mois. Ça, en ça même temps, compliqué. Le budget costume est restreint. Ah ben non, croyez pas ça. Croyez pas ça. Justement, ça coûte super cher les dessous. C'est vrai. C'est pas à vous que je vais le dire. Quand même. Mais ça elle n'en met jamais. Quand on en met. Au Moyen-Âge, la côte de maille et tout. Ah, mais trois, nous plongeons toujours dans les, justement, dans les dessous du porno, mais là, sous une autre forme, dans la troisième saison. C'est l'échangisme. C'est l'échangisme. C'est des clubs échangistes que tout le monde connaît de nom. Et on n'est jamais allé dans un club échangiste, personne. Ah, mais magnifique, on lève la main. J'ai joué du piano dans un dans une boîte à partout. Mais si. J'ai pas ça s'appelait mais le Cléopâtre et moi j'ai voilà, mais j'étais avec mon orchestre quand, de jazz. C'était il y a très longtemps, j'étais jeune. Filmer l'échangisme. Comment est-ce qu'on vannait l'échangisme, filmer l'échangisme. C'était drôle. Quoi l'écueil? De pas faire du documentaire parce que chaque couple a une raison de faire ce qu'il fait de façon collective, c'est un sport collectif l'échangisme évidemment, et ils ont tous une raison particulière de le faire, il fallait dégager des grandes tendances et les grandes tendances de ça si c'est vrai les grandes tendances c'est que pour un couple c'est, ça peut être vachement destructeur. C'est-à-dire qu'on commence à deux sur un pied d'égalité, tout le monde a envie, ouais, bien, on fait ça. Et puis à un moment, il y en a un des deux à qui ça plaît plus que l'autre, qui va beaucoup plus loin que l'autre, plus fréquemment, et l'autre derrière dit bon, on arrête maintenant. Ah ben non, j'arrête pas, c'est vachement bien. Et donc ça, c'est un des écueils les principaux dans les. Et puis après, il y a les clubs. Tous les clubs sont pas pareils. On en a visité quelques-uns, oh, c'est racontez-nous, génial. Racontez-nous. Vous avez vu l'écoute qu'il y a autour de la table. Non, mais c'est d'un coup. D'un coup, alors tu parles de politique, de machin, les mecs, ça gueule. Alors on peut voir dans Hard 3, mais racontez-nous un peu quand même. Non, non, il faut regarder Hard. D'abord, il y a plusieurs types de clubs. Il y a des clubs qui se veulent classe. C'est-à-dire qu'on est, on arrive avec costume, les hommes sont en costume, les femmes doivent être habillées sexy, mais pas putes. Donc il y a une question comme ça, comment on reconnaît une femme sexy d'une pute en fait. Et on répond, nous, c'est le souci qu'ont les hommes depuis la nuit des temps. C'est comment on fait pour reconnaître. Elle est habillée sexy. Non, c'est une pute. Ah, ouais, ah, il y a des procès pour ça. Hein, y a des... Oui. Donc, après, et puis il y a les autres clubs, il y a les clubs qui sont bas de gamme. Et qui, alors on va pas les citer. Où les mecs sont habillés en pute, par exemple. Il y en a. Mais ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Non, t'as les clubs bas de gamme qui laissent rentrer les hommes seuls. Ah, c'est-à-dire que l'échangisme, le mec arrive, t'es qu'est-ce que t'échanges? Ma ceinture, un pin, je sais pas, qu'est-ce que tu me prêtes ta femme? Et donc, comme il y a une femme pour 25 mecs, il y a une tendance qui est pas tout à fait la même que dans un club paritaire. Et ça devient assez rigolo. Et puis, il y a ceux qui font la sélection au physique. C'est-à-dire qu'on va dans un club, on ne sait pas pourquoi, les mecs regardent de la tête aux pieds. Non. Et ben, pourquoi? Un peu comme tu disais au début. Non, mais pourquoi? Parce qu'on nous est... Non. Non, mais c'est une soirée spéciale aujourd'hui. Voilà, c'est fermé pour vous. Bon, admettons, vous êtes le guide Michelin. Oui. Un coup de cœur parmi les clubs échangistes, comme ça on le sait. Alors, je ne veux pas me fâcher avec tous les autres. Non, jamais. Oh là là. Si, ben, la Poutrelle. Voilà, la Poutrelle, c'est le nom du club que Sophie de Roy ouvre. De Roy la Poutre. Évidemment, voilà. Joué par d'autres compatriotes, François-Vincent Elly. Oui, et puis d'autres compatriotes aussi, avec Charlie Dupont, c'est qu'il y a dedans. Et d'autres acteurs français aussi, mais... Oui, quelques acteurs français. Moins bien fournis par la nature. Voilà. Natasha Lindiger quand même, qui fait... Oui. Et Michel Larocque, c'est extraordinaire. Que je veux saluer d'avoir accepté de jouer la présidente de la République, car il y a une présidente de la République dans Hard 3. Mais c'est possible que ça lui arrive un jour. Eh oui. Eh oui, et elle fait une présidente de la République absolument exceptionnelle. Et puis il y a tout un tas de guest stars qui sont venus nous aider. C'est magnifique. Politique, on va en reparler évidemment avec vous, Bruno Gassio. On vous conseille chaudement, plus que chaleureusement, Hard, la saison 3, en ce moment sur Canal+. D'ailleurs, si on pouvait faire une délocalisation l'année prochaine en septembre sur un lieu un comme tournage, ça. Sur la fête de tournage. Non, parce qu'on a été à Belfort. Je vous écoute. Vous savez qu'en tant que parrain, je vous suis de temps en temps quand je peux. J'ai entendu les émissions à Belfort. Faut arrêter de dire du mal quand vous vous déplacez. Hein, c'est Frédéric Fromet. C'est Fromet. Vous allez pouvoir lui péter la gueule juste après. En région. Quand on est en province, on se fait On salue tous nos auditeurs à travers la France et ceux qui sont sur la route, bien sûr, parce qu'il fait chaud. Restez calme, quand il fait chaud, vous êtes tendu au volant. Et on salue les chauffeurs de taxi qui nous écoutent pas. Allez, c'est parti, non, musique. Non, c'est pas parti. On a choisi une autre chanson pour vous. Ouais. Toutes les équipes, on s'est concertées. On s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir. Alors, arrêtez de faire la roulette, c'est moi qui vais la faire. Nous avons tous choisi Je fais le grand moulin comme Charlie Vanhoenacker. Tom Jones, She's a Lady. Yes. C'est pour Charlie Vanhoenacker. Pour Charlie Vanhoenacker. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. She knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Listen to me, people, she's a lady. France Inter, She's a Lady, merci les amis. Mais c'est moi qui devais les annoncer. Tom Jones sur France Inter, She's a Lady, avec notre parrain Bruno Gassion et Charline, rappelez-nous qui est autour de la table. Ah, Clara Pomono, Guillaume Meurice, oui, hein. Samir Wadi, André Manoukian, notre parrain Bruno Gassion, et mon fidèle partenaire, mon binôme, Alex Vizorek. Très bien, vous faites ça bien. L'année prochaine, pour y avoir aussi ce statut-là. Comment vous avez fait? Vous avez bossé ensemble pendant si longtemps? Deux ans et demi, on va prendre des vacances. Il n'y a pas des montées d'adrénaline des fois, des regards, des transpirations de la moustache, des trucs, des... Quand elle me parle de vous, André. Et là, je n'en peux plus. Allez, on va essayer de te tenir jusqu'à 18h. Yes. Premier sujet, j'ai eu l'inconscience de le confier, cher Bruno, à André Manoukian. C'est pas comme si on savait, hein. C'est quand même une connerie, oui. Hein, quand même. André Manoukian. Voilà, chanson française. Alors, c'est un édito du Figaro qui dit Renaud, Polnareff, Dutron. Ils sont portés au nu par les fans, les idoles d'hier. Ils sont en panne d'inspiration. Ils annoncent à grand renfort d'exposition médiatique qu'ils vont revenir, faut-il les croire? Et ça s'appelle l'éternel retour. Alors, l'éternel retour, je ne sais pas si vous connaissez ce concept de Nietzsche, en fait. Vous croyez que ça veut dire quoi, l'éternel retour? Genre que je reviens pour me faire chier sans mais arrêt? Mais pas du tout, c'est vivre sa vie comme si on devait revivre toujours ce moment-là. Yes. Bam! C'est Guillaume Meurice! Et donc, Wikipédia et donc allez, on va, et maintenant, on continue. Ah, donc, ça veut dire quoi? Si André, André, il y a un son à lancer avant de se lancer dans la chronique. Là, c'est qu'on en a vécu des trucs ensemble. Hein. Le concert à Monsieur Meuble en 92, c'était le top. La soirée des Catherinettes à Garches, sur le parking de Bricorama en 95. Ah oui, je me souviens, c'est le jour où j'ai pas arrêté de me faire draguer par Michel Delpech. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un flirt avec Michel. Hein. Bon, bah écoute. On va. Je suis vendeuse à Pantachop. intérimaire. Et ben on est parti. Allez. Voilà. C'était quoi, André? Ben ça, c'était tiré de podium. Voilà, c'est ça, Claude François. C'était Benoît Poulvord qui faisait Claude François. Alors, l'idée, c'est quoi? Vous l'avez entendu, le parking à Garches et tout ça. Donc, effectivement, Guillaume Meurice, l'éternel retour, c'est de vivre comme si on devait revivre sans arrêt le même instant. Mais ça n'est pas une punition, on est d'accord. Ouais. Continuons. À partir ça du dépend moment si c'est la chronique d'André Manoukian, ça peut être une punition. C'est parce que je vous rappelle quand même le principe de cette émission, c'est de poser une question à notre invité. Oui. André. Ça y est, alors, j'adore quand André parle de philosophie, quand il Nietzsche, j'adore. Voilà, alors donc, alors, à partir du c'est moment... Lui qui a tué si Dieu. C'est par qui demande, à partir du moment où on se dit, je vais faire en sorte que, si jamais je dois revivre chaque instant, un moment de ma vie éternellement, faisons en sorte qu'il soit bien. C'est ça, la leçon de Nietzsche. Ça veut dire que, finalement, si votre vie mise bout à bout, tous ces petits moments, vous dites, celui-là, je veux bien le revivre, celui-là, je veux bien le revivre, on arrive à le truc du bonheur absolu. Donc, la question que j'ai posée à notre invité, notre parrain, Bruno Gassiot, c'est quel moment dans sa vie il pourrait revivre d'une manière éternelle? La naissance. La naissance de qui? La mienne. Recommencer éternellement le premier jour. Pour un jour rencontrer René Coty. Pour qu'un jour ce mec se dise qui est cette personne qui naît éternellement et qui trouve ce moment fabuleux. Et qui ce naît moment sous où on t'arrache au seul moment de ta vie qui est intéressant quand t'es un être humain, c'est les 9 mois que tu passes dans le ventre de ta mère. On t'en arrache, on arrache le cordon. Mais c'est traumatisant comme expérience. Oui, mais c'est le début de la fin déjà. Mais c'est le début de tous les bonheurs possibles. C'est beau ce qu'il est en train de dire. Comment vous pouvez dire ça, vous qui êtes un grand créatif? Pendant 9 mois, vous êtes emmerdé dans le ventre de votre mère. Mais je ne me suis pas emmerdé. J'ai vécu avec vous elle. Avez déjà écrit ses bonheurs, trucs, ses malheurs. J'ai vécu son ventre dans les vagues à Fréjus. J'ai vécu 10 000 choses qu'elle mais vivait avec mon père. Mais vous avez des souvenirs de ça? Bien sûr, très très clair. Très clair. Arrête de boire du vin, maman. Des choses qu'on se disait comme ça avec mon jumeau qui s'est barré. Le jumeau s'est barré. Lui, au bout de 3 semaines, il a dit moi je me barre, là, ça picole trop ici. Hop, il est parti. Je quitte pareil, la boîte. J'ai eu ça pareil. Aussi. Mais non, mais vous avez le mythe de Sisyphe d'Albert Camus avec ce monsieur donc qui est condamné à monter une pierre en haut d'une montagne et la pierre roule et donc il faut qu'il la remonte et elle reroule, etc. La dernière phrase du mythe de Sisyphe, c'est il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui en faites un moment heureux de cette répétition éternelle. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ça, pour les chauffeurs pour de taxi qui nous écoutent. Voilà. Alors, ils sont deux. Et alors, le sujet, André Polnareff. Alors, le sujet. S'il y a eu un lâcher, alors, mais le sujet parle de Jean-Jacques Goldman. Voilà. À l'idole de... Il l'a choisi pour moi. Voilà, de Clara Dupont-Modeau. Le sujet parle de Polnareff. Le sujet parle de Renaud. Trois cas qui sont complètement différents. C'est pour ça que ce sujet, finalement, il est assez faux. La question que pose ce sujet, c'est... Et qu'on va poser à Bruno. À quel moment est-ce qu'on est prêt à tirer sa révérence? Bruno Gassiot, est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites... est-ce que vous avez déjà quitté est-ce que vous avez déjà trois questions là. C'est ça. Non, mais est-ce que vous avez déjà est-ce que j'ai déjà oui tiré votre révérence tiré oui tiré révérence. Votre révérence. Ben, j'ai tiré mes révérences des guignols après 16 ans de bon loyer service. Comment ça s'est passé? Plutôt assez bien. Il y avait un président de la République à une époque, je parle de ça, c'est très vieux, qui s'appelait Jacques Chirac, et j'ai dit s'il arrête, j'arrête. Ah bon? Bah oui. Vous étiez lié avec lui parce que vous l'avez fait réélire à cause de l'histoire des pommes. Alors c'est lui qui s'en est servi de les pommes. Nous on n'a pas voulu faire ça pour ça. On parlait des pommes pour montrer le vide sidéral de son programme. Et il a été élu quand même. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on servait à rien. Et on a dit maintenant on va faire marrer les gens au point. Mais je suis arrivé en 92 au Guignol, comme le rappelait Charline tout à l'heure, sous René Coty. Et Chirac était là. Il était à l'affût, il était comme ça, il attendait. Et tout d'un coup, 93, dissolution, tout ça, il se retrouve en possibilité d'être Premier ministre. Il dit non, j'y vais pas, je me suis déjà fait avoir une fois, j'y vais pas, je me réserve pour 95. Donc on a vécu avec lui jusqu'à la fin. Et en 2007, j'ai dit s'il arrête, j'arrête. Et il y avait une autre raison, mais celle-là, elle est trop sérieuse, mais c'est que je n'aime pas... Monsieur Sarkozy, mais presque, c'est physique, quoi. Mm-hmm. Je trouve que cette attitude, cette façon d'être, je parle même pas de politique, mais j'ai juste sa façon d'être, ne me plaît pas. Il a une façon de se comporter que je trouve gougnafière. Et je pense qu'on ne peut pas faire rire si on n'est pas un petit peu en empathie avec quelqu'un. Et là, vous pouviez plus faire rigoler. Là, avec je pouvais pas. Je pouvais pas. Ça m'amusait pas. Et j'aurais été, je pense, mauvais. Et donc, j'ai laissé la place à d'autres. C'est vraiment pas sympa parce que lui, vous aime beaucoup. Oui, pareil. Physiquement et il m'aime beaucoup physiquement. Oui, c'est vrai. C'est ce que m'a dit ça. Alors, donc, dans ces vieux chanteurs qui reviennent. Aïe, aïe, aïe, c'est le dérapage. J'ai pas entendu. Tant mieux. Il y a le podcast pour récupérer. La Manoukian cherche une question. Il est en train de découvrir. Non, très bien. Le thème est bien traité. Non, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a une conclusion, André? Non, Charlie, ça c'est pas mal. Paul Naref, c'est une escroquerie. Excusez-moi. Quand il a fait son retour, Paul Naref. Je suis désolé, mais tu prends n'importe quel vieux, tu lui colles une perruque comme il a, des lunettes carrées, tu l'envoies en tournée, c'est Paul Naref. C'est vrai. Parce que comme on l'avait pas vu depuis longtemps, tu mets pas. Il a pu faire 15 galas en même temps. Mais c'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est ce qu'il fait. Tu sais que c'est ce qui arrive avec plein de groupes, avec les Wailers, avec les. C'est que les gens les connaissent tellement. Daft Punk, tu prends n'importe quel motard, tu mets de la musique électronique, c'est les Daft Punk. Oui. Bah oui, oui. Mais les Daft Punk. C'est malin. Est-ce que c'est eux qui vont dans toutes les émissions? On ne saura jamais. Et Paul Naref, tu colles une perruque sans déconner. Il est. C'est tellement de loin, tu mets ça sur une scène, ça marche en playback. Un ami Nicolas Sarkozy, par ailleurs. Oui, pareil, c'est ce qu'on m'a dit. Très proche. Oui, oui. Bon, l'idée, on s'abalance. Ah non, mais en tout, voilà, c'est bien. Le plus malin, ça reste quand même le héros de Clara, Jean-Jacques Goldman. Qui 2001. Ne revient pas. Mais qui n'est jamais parti, qui n'est jamais parti. C'est pas qu'il n'est jamais parti, c'est qu'un jour, il a compris qu'il n'était plus à la mode et que les radios n'allaient plus le passer. Alors à ce moment-là, il a décidé d'arrêter. C'est-à-dire que avant que ce soit les gens qui le poussent, il s'est arrêté lui. À la Greta Garbo. C'est malin, et c'est sans doute ça qui plaît. Alors justement, comment on parlait des. C'est toujours la personnalité préférée des Français. Ouais. Merci André Manoukian. Bon, écoutez, puisqu'on parlait de. Pas des ringards, non? Qu'est-ce des gens qui sont plus là. Mais André, c'est le son que vous avez lancé, je vous rappelle. Ah, je crois pas. Mais non, moi je vous ai parlé de l'éternel bonheur de Nietzsche. Ah oui, c'est ça. Voilà, voilà. On va mettre quelque chose d'un peu plus moderne. Allez, c'est parti. Morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Can't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my Chucks and my Dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb. About to blow up. Okay, one for the money and a two for the show. But three to be a legend, even if I'm old. I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. The bomb and about to blow up. Put my mom the ring walls and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Baby's rock a pose, come up in the front row. The homies in the back, get the hats to roll. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Won't you clap your hands? White folks, do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Il s'appelle Pigeon John. Vous êtes sur France Inter dans Si tu écoutes, j'annule tout avec son parrain Bruno Gassio. Ça va, parrain ? Oui, ça va super bien, merci. Je préviens le CSA, nous buvons de l'eau. Oui, oui bien sûr. Merci Alex. De l'eau légèrement dorée avec quelques bulles. De l'eau qui est passée par le pied d'une vigne. Justement, Guillaume Meurice, puisque vous avez le crachoir. Oui. C'est à moi. C'est Guillaume Meurice, je vous ai confié le sujet numéro 2. Oui, le sujet politique, évidemment. Hein, les scissions au sein des partis politiques, les engueulades internes. Même, évidemment, hein, un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, je crois. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des frondeurs. Hein, 60 militants irresponsables se sont barrés. Alors, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va être la fronde à l'intérieur des frondeurs qui vont se diviser? Et puis la fronde des frondeurs de la fronde qui vont également se désunir? Mais jusqu'où vont-ils aller? Comme ça. Ça ne se démode pas. Alors ça me permet de faire le geste de Charline Van Hoenacker pour revenir à l'antenne comme ça. Oui, je mouline un petit peu. Oui, vous brassez du vent. Alors première question Bruno Gassiot, hein, vous n'allez pas y couper. Qu'est-ce que c'est que ce bordel à Nouvelle-Donne? Alors voilà, ça c'est une belle question, voilà. Ça j'aime bien, qu'est-ce que c'est que un ce bordel? Un petit peu à la Jean-Pierre Elkabbach. Non, alors, c'est très très simple, notre députée Isabelle Attard et quelques autres ont quitté Nouvelle-Donne pour des raisons d'organisation interne qui est un poil lourde. Mais je leur en veux pas, moi, à Nouvelle-Donne. Moi, je vais plus aux réunions de Nouvelle-Donne parce que c'est chiant. Ah, d'accord. Vous aviez déjà quitté Nouvelle-Donne? Oui, moi, j'avais pris du recul depuis quelques mois parce que quand on crée un parti, les premiers qui arrivent et qui prennent le plus de place dans un parti, c'est ceux, soit qui n'avaient jamais fait et qui rêvent de sociocratie, donc qui vivent ensemble une expérience unique, mais entre eux. Et puis, ou c'est ceux qui n'ont pas réussi dans les autres partis, parce qu'ils se sont fait jeter, parce qu'ils n'étaient pas bons, ou parce qu'ils étaient chiants, pour tout un tas de raisons, et qui viennent faire autre chose, la même chose que ce qu'ils avaient fait dans d'autres partis. Et donc, on se retrouve soit avec un président qui dit « Stop, les gars, on ne va pas faire comme ça, toi, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas », et qui donc devient une sorte de chef, ce que, quand on veut faire de la politique autrement, on dit « il ne faut pas qu'il y ait trop de chefs ». Sauf qu'une élection, un parti politique, c'est quelque chose qui existe si ça va à des élections. Pour aller à des élections, il faut se mettre en ordre de marche pour aller à des élections. On l'a fait aux européennes, on a fait 549 774 voix. C'est 550 000 personnes qui votent. C'est Jean-François Copé qui a compté ou c'est vraiment c'est un décompte qui est fiable? Alors je l'ai sur mon téléphone toujours parce que c'est un vrai décompte du ministère de l'Intérieur. Donc on a fait ce nombre de voix, 550 000 personnes qui votent pour un parti. Ça fait du monde dans une manif, hein, 550 000 personnes. Il ne faut jamais oublier que Jospin ne s'est pas retrouvé au deuxième tour pour 400 000 voix. Putain. Donc c'est quelque chose qui compte. Quand on a ça, normalement on doit se mettre en ordre de bataille pour aller aux élections suivantes. Et là, ça a commencé à discuter de conneries monumentales. Est-ce qu'on fait des fagnons? Est-ce qu'on fait... Et mais alors, ce qui manquait, c'est un leader charismatique. Ça qui manquait? Ce qui manque, c'est... Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui puisse dire à un moment, sans être un dictateur, stop. Mais pourquoi pas vous, alors? Pourquoi vous n'avez pas assumé ce rôle-là? Parce que je n'ai pas vocation à faire ça. Moi, vous l'avez été déjà à l'époque de Canal, quand ça a foiré tout ça. Non, mais ça, c'est du syndicalisme, c'est autre chose. C'est de la politique, Canal, à l'époque... Non, c'est pas tout à fait pareil. Là, il y a quelque chose à défendre de très concret dans Canal. Quand Messier merde à Canal, il faut sauver Canal. Et enfin, moi, je pense qu'il faut sauver Canal. Et je me rends compte que, y compris dans la direction, il y a plein de gens qui pensent la même chose. Donc, on réunit des énergies, on fait ce qu'il faut ponctuellement, et puis on y arrive. Là, il y avait une nouvelle donne à sauver quand même. Il y a quand même la naissance d'un parti politique. Mais j'ai essayé avant. Ouais. Mais j'ai essayé. J'ai essayé. Je suis allé à des réunions où on te dit non, tu vas parler 2 minutes. On est 25. Donc imaginez, moi, il faut que j'attende que 25 personnes aient parlé 2 minutes. Ah, Manoukian, moment... il vient de faire un AVC là. Il comprend même pas le principe de parler 2 minutes. Mais non, mais au fond, Bruno Gassiot, la question, c'est pas que. Est-ce que la démocratie, c'est pas un peu de la merde? Non. Voilà. Non, une intervention de André Manoukian. On peut essayer de résumer ça comme ça. La dernière émission. Hein, donc Goebbels était plutôt moins d'accord avec ça. Vous vous débrouillez bien, hein, moi j'observe. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Parce que la démocratie, c'est accepter de perdre. La démocratie, c'est accepter qu'il y ait 51 personnes sur 100 qui disent quelque chose et que les 49 autres la ferment et se mettent en ordre de bataille derrière les 51. Dans un parti qui vient de naître et qui met la sociocratie, c'est-à-dire qu'à chaque couche, tu pars du plus bas jusqu'au plus haut, à chaque couche, tu mets 2 représentants de la couche inférieure au-dessus qui vont rapporter à la couche... T'en sors pas, ça marche quand on est 15. Dès qu'on commence à être 15 000 adhérents, ça marche plus. Tu peux pas demander l'avis de tout le monde. Bruno Gassiot, Nouvelle Donne, c'est un parti un peu frère avec Podemos ou Syriza, c'est-à-dire au départ émanation citoyenne, un nouveau parti qui s'inscrit. Devenir. Il y a quelque chose qui est en train de naître là pour les régionales. C'est des mouvements citoyens un peu partout. Il y a des gens qui participent, alors qui viennent du Modem, qui viennent du Front de Gauche, qui viennent du Parti communiste, qui viennent des Verts, qui viennent de Nouvelle Donne, qui viennent du PS. Donc une large frange, c'est la gauche et la gauche. Plein de gens qui se disent, si on fait un autre parti encore, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est récupérer tous les partis qui sont là, se mettre autour d'une table et se dire, est-ce qu'on peut créer une sorte de coalition qui s'appellerait Mouvement Citoyen. Et ces mouvements citoyens présenteraient des listes avec dessus ceux qui veulent bien y participer, avec des systèmes de sélection qui soient un peu plus démocratiques que dans les autres partis. Donc on récupère tous ceux qui ont perdu dans les autres partis, oui, et on en fait un super parti. Parce que si tu ajoutes tout ça, tu fais pas un parti de perdants, tu fais un nombre incroyable d'électeurs qui retrouvent de l'espoir. Et aujourd'hui, ton besoin, les électeurs, c'est des gens qui disent « je ferai ce que je viens de dire ». Ça, il y en a plein de gens qui disent ça. C'est le problème, c'est qu'ils ne le font pas précisément. Il y en a deux partis principalement qui ne le font pas, qui ont été au pouvoir depuis 40 ans. Ces deux partis-là sont en train de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous font perdre énormément, c'est-à-dire ils nous font perdre la démocratie. Parce que la personne qui récupère en France, elle s'appelle Marine Le Pen. Mais c'est pour ça que c'est un peu désolant de voir un nouveau parti sur lequel il y a pas mal de gens qui font de désespoir se déchirer à ce point. Mais ce n'est pas des gens qui se déchirent. Hein. Le parti continue. Il y a juste 60 qui se barrent. Vous avez choisi les fagnons, là. C'est important, ça coûtait 1 500 euros. Ça reste un parti en devenir, en tout cas, ou en perfectible. C'est un parti qui doit exister parce qu'il permet à des gens qui n'avaient jamais fait de politique de se retrouver dans un parti. Ou ceux qui sont déçus d'autres. C'est un parti qui doit, je leur ai déjà dit, c'est pour ça que je le dis à la radio, c'est parce que je leur ai dit à eux, qui doit en interne s'amender considérablement. Il y a 16 instances. Pour de décision. 16 instances de décision à Nouvelle-Donne. On est 15, il y a 16 instances. Il y a un truc qui va pas, quoi. Les mecs, je pense pas qu'on va gagner des élections avec toutes ces instances. On peut s'organiser de façon plus simple. Mais qui décide de l'organisation, c'est ça? Est-ce qu'il y a des réunions pour décider de l'organisation? Voilà, Guillaume Meurice, c'est ça? Guillaume Meurice, on va vous laisser tout à l'heure, si vous voulez, avec Nicolas Demorand. Vous pourrez intervenir dans l'international à partir de 18h. C'est vrai, je veux conclure avec ça, c'est risible, surtout tragique pour des électeurs. Parce qu'il y a 549 774 personnes qui nous ont fait confiance. Et je veux ne pas décevoir ces personnes. Donc ces personnes, elles peuvent toujours, et il faut que partout où elles sont en France, dans leur région, il y a des mouvements citoyens qui se créent, et c'est vers ça qu'il faut aller, parce que c'est ça qui gagnera les prochaines élections. Et surtout ne vous découragez pas, Bruno. Clara Dupont-Monod. Charline. À cette heure-ci, nous prenons... Elle va dire non, attention. Elle est incapable de dire non. Un peu de recul. Oui, un peu de hauteur. Un peu de hauteur. Absolument. Allez-y, oui, profitez-en avant d'avoir une heure cet été, chaque jour, Clara. Un petit jingle, s'il vous plaît, Clara. Mais non, mais taisez-vous, Guillaume Meurice. Il ne fait pas sa chronique, Guillaume Meurice. C'est un conducteur adapté, voilà, comme vous avez remarqué. C'est ça. Non, il s'est bien démerdé, lui. Il a posé une question, j'ai fait tout le reste. Clara, ça fait plaisir que vous suiviez. Comment s'appelle notre invité? Tu vas lâcher ton cachet, toi. Allez, c'est parti avec Clara Dupont-Monod. La musique country. Alors, l'actualité, c'est Doc aussi. Watson. Voilà, c'est ça. C'est aussi le début des vacances, presque pour tout le monde. Bon. Et comme la littérature a l'esprit de contradiction, elle nous offre une bande dessinée très très drôle qui va vous accompagner durant vos congés. Et donc, c'est spécialement pour vous, Bruno Gassiot, qui s'appelle Comment rater ses vacances. Partez avec moi. Oui, je veux bien, mais surtout avec cet album. Parce qu'il est signé d'un binôme que j'aime beaucoup, qui est Tinius et Pascal Gros. Et pour mémoire, pour ceux qui l'auraient oublié, mais Tinius est mort assassiné dans la fusillade de Charlie Hebdo le 7 janvier dernier. Et dans sa préface, Pascal Gros dit « On avait décidé de parler des vacances. Faut toujours qu'il y ait un truc qui cloche avec les vacances. » Et il termine en disant « Un an après, c'est de nouveau les vacances, mais il n'y a plus Tinius. Faut toujours qu'il y ait un truc qui cloche avec les vacances. » Voilà, donc ça c'est tout leur esprit. Et au moins, les deux compères ont eu le temps de tracer et de compiler tous les dessins qui leur passaient par la tête et qui montrent des vacances foirées. Alors des vacances foirées, c'est quoi? C'est une grande question quand même. Alors déjà, il y a le dérèglement climatique. Donc il y a inondation au nord, il y a incendie au sud. Et du coup, on voit un gars qui replie sa carte et qui dit à sa femme « Cet été, tu préfères mourir noyé ou brûler vive ?» Voilà, ce qu'elle mérite de poser le problème. Il y a la mer dégueulasse. Alors là, on voit des gens tout moches, immobiles dans la mer. Et sur la plage, un baigneur crie « Le dernier qui part tire la chasse !» Voilà, perso, c'est ma préférée. Voilà. Il y a les coups de soleil. Une femme en bikini se retrouve avec une burqa. Hein, et légende, ce serait bête d'en arriver là. Sans oublier les marées noires, le papy qu'on oublie à la station-service, le bébé qu'on a laissé avec le papy, ou la météo réfrigérante. Hein, un gros bonhomme hilar déclare « Pour que le thermomètre monte à 37, il faut se le mettre dans le cul. » Donc bref, on retrouve... C'est mignon. Oui, c'est élégant. Mais c'est tout l'humour noir et crasse-pouille de Tinius et Pascal Gros qu'on aime tant ici. Et alors, si en plus on ouvre un peu, il se trouve que les vacances ratées sont quand même souvent une excellente matière à roman. Et il y a un polar comme ça de Donna Leon que j'aime beaucoup qui s'appelle Deux veuves pour un testament. Et le point de départ, c'est une femme qui revient fumasse de ses vacances fiasco et qui trouve le corps de sa voisine sans vie, laquelle, bien entendu, n'est pas du tout morte d'une crise cardiaque. J'ai aussi en tête un livre de Sylvia Plath, immense auteure américaine sévèrement bipolaire. Elle a écrit La cloche de détresse en 1963. Lisez ce livre, La cloche de détresse. Elle est, alors, c'est l'histoire de, d'Esther, une jeune femme qui part passer l'été à New York. Elle est toute contente parce qu'elle a gagné un concours de poésie. Et puis, résultat des cours, elle sombre dans la dépression, elle atterrit à l'asile, elle se fait déflorer par un prof de maths, suite à quoi elle fait une hémorragie vaginale, ce qui arrive même au meilleur. Hein, faut vraiment se soigner. Voilà. Merci André Manoukian. Ce qui arrive au meilleur. Clara Morgan. Même dans Art, on n'avait pas eu ça, une hémorragie vaginale. Ah, non, pour l'instant, vous n'avez pas eu. Bon, en tout cas, ça s'appelle des vacances ratées. Et puis, parfois, ça donne... concentrez-vous. Des livres politiques. Les vacances ratées avec Nicolas Sarkozy, ah bah de Guillemette Faure, qui était très amusant mais aussi instructif, racontait le suivi journalistique de Sarkozy lors de son voyage aux États-Unis avec ses questions, je cite, « S'il va se baigner, faut-il y aller aussi ?» Où sont les lignes entre vie privée et vie politique quand le président donne des interviews en jogging ? Et puis, enfin, les vacances ratées, ça donne des films. Open Water, allez voir Open Water, sorti en 2003. C'est un couple qui travaille trop, Suzanne et Daniel, et pour décompresser, ils partent faire de la plongée sous-marine aux Bahamas. Sauf que le bateau lève l'ancre, et quand ils sortent la tête de l'eau, Suzanne et Daniel sont tout seuls au milieu de l'océan, avec des requins, qui tournent autour. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, comme dirait Tinius, cette phrase que j'ai prise dans Comment rater ses vacances, vous avez vu Sur la mer, non ? Et sans supplément. Voilà. Je vous redonne les références. Comment rater ses vacances de Tinius et Pascal Gros, c'est paru aux éditions Chênes. Merci Clara Dupont-Monod. Hein, c'est joli. C'est, ça me rappelle un dessin de Rezer qui avait dit, il y avait un dessin de Rezer avec un mec qui était tout vérolé. Il dit, on a pris des coups de soleil, on est à la chiasse, on a chopé la vérole, on s'est fait voler, mais on a bien baisé. Bah, c'est ça. C'est les vacances. Que aussi. Rezer, ça donne envie de le lire en tout cas. Merci Clara. Nous sommes toujours en compagnie de Bruno Gassiot et on vous recommande évidemment la saison 3 de Hard sur Canal+. Ouais. Rappelez-nous l'horaire, Bruno. Sur Canal+, il faut aller à Canal+, sur Canal+, à la demande, comme ça il n'y a pas d'horaire. Et on regarde quand on veut. Bah, voilà. C'est la meilleure chose. Il y a toute la saison, il y a les trois saisons. Et comme ça on peut voir les trois saisons. Ouais. Faites-vous sans plaisir. Sans attendre 7 ans. Vous pouvez vous les repasser, oui. C'est très nietzschien. Samir Bouadi, oui. Nous vous avons confié le sujet 3. Bah oui. Samir Bouadi, journaliste, ça donne ceci. Bah voilà, bah écoutez, c'est une première pour moi. Je vais vous parler de l'Angleterre, je vais vous parler d'une époque un peu pop, d'un héros intemporel, d'un sourire, d'une élégance, d'une aisance, d'un homme providentiel qui a essayé de... Merci. Je parle de vous, Bruno, vous avez tout à fait compris. D'un homme qui s'est éteint hier à l'âge de 93 ans. Merci. Un homme merci. Qui... sous René Coty. Sur Albert Lebrun. Voilà, sur Albert Lebrun. Un homme qui s'appelait Patrick McNeil. Et qui nous a fait rêver. Voilà, je vais faire le geste que vous faites merveilleusement bien, Charles. N'êtes-vous pas las de toutes ces fadaises, de ces courses perpétuelles derrière Steed dans cette atmosphère de cap et d'épée? Mais que trouvez-vous donc à Steed de si bien? Steed, l'homme génial, hein? Le super génie. Alors, John Steed, c'est quoi? C'est l'Angleterre, c'est une époque, ça préfigure le pop. C'est une série, chapeau monobotte de cuir, un peu surréaliste. Il y a de la magie, il y a de l'hypnose. Les Chinois sont petits, les Arabes sont joués par des Anglais qui viennent de la Royal Shakespeare Company et qui sont maquillés comme Jeanne Masse. Enfin, tout ça, c'est une époque de bonheur où avec un coup de canne, tu peux défoncer n'importe quel État qui a décidé d'écraser l'Angleterre et le Royaume. Bref, c'est l'Occident, c'est le dernier Occident. Et puis c'est surtout Churchill, c'est-à-dire no sport. C'est-à-dire que le rapport que John Steed entretient avec son corps est assez étrange. Il est très très bien habillé, on ne voit jamais s'entraîner. Quand il prend une épée, il défonce tout le monde. Et voilà, c'est l'élégance, c'est le charme, et c'est surtout une sorte de sexapile asexué, et une sorte de capacité à gagner tous ces combats, à avoir des victoires flegmatiques sans jamais s'en vanter. Bref, c'est un personnage qui nous ramène à l'enfance, rassurant, plaisant, aimant, qui nous emmène comme ça dans quelque chose qui est pour le coup, moi je trouve rassurant, parce que on voit le corps des héros aujourd'hui dans les séries télé, c'est-à-dire qu'on les voit souffrir, on les voit avoir mal, alors qu'avec John Steed, on était dans quelque chose d'onirique et de décalé. Alors la question que je vais poser à notre parrain... Ah, il y en a une. Mais la suivante, c'est, cher Bruno, si vous deviez aujourd'hui, pour le bonheur de nous tous, hein, faire une sorte de remake ou de tenter une écriture comme ça en série, un remake de Chapeau Melon de Cuir, quel serait l'homme politique idéal pour incarner le rôle de John Steed? Moi, j'ai une idée. Hein, Non, c'est sympa. On va faire par élimination. De... On a dit Morano, non? Christine Boutin. Moi, j'en ai un. Enfin, bon, je vais quand même tenter la question. Oh non, moi, c'est un mec. Mais il est trop classe. non ? Un mec qui bouge pas, qui fait pas de sport, qui est tout maigre et qui a le... qui a la roue tout roux. Voilà, la roue tout roux. Bah, voilà, c'est très bien. Bah oui, évidemment. Et c'est vrai que, en fait, la question est un petit peu une question rhétorique parce qu'on n'a pas cette espèce de. Non, mais Hollande, Hollande pourrait faire, ça, bien sûr. Ouais. C'est vrai, François Hollande avec cette espèce mais de. Mais il a trop d'humour. Il a un humour trop français, Hollande, pas assez anglais. Ouais, ouais, ouais. Et alors, quand vous, quel regard vous portez sur, d'abord sur l'acteur qui est parti parce que c'est quand même un souvenir pour nous tous. Il a bercé notre enfance. Ah non, mais on n'était pas nés, Charlie Nemo. C'est vrai, vous êtes des gamines, vous, c'est vrai. Et puis surtout sur la série, sur la série en elle-même, parce que vous fabriquez des séries, vous. Alors moi, j'avoue que dans Chapeau melon et bottes de cuir, j'étais plutôt bottes de cuir. Ah oui, ouais, d'accord. J'ai pas tellement regardé. Ah, vous étiez Emma. Diana. Oui, Emma Peel, c'est ça. Ouais. Mais elle était formidable. Ouais. J'aimais ces séries et j'aime ces acteurs parce que en fait, on vient d'apprendre qu'il est mort à 93 ans et on n'a pas l'impression qu'il pouvait avoir 93 ans parce que c'est quelqu'un qui était figé dans une image. Et toutes les gens de séries comme ça, comme Thierry Lafronde, vous avez connu Thierry Lafronde ou pas? Non. Oui, il est belge, Jean-Claude Drouot. Eh bien, tous ces gens sont figés dans une image. Et, comme Nietzsche, c'est très nietzschéen. Bruno Gasso, il a eu le bon goût de ne pas revenir et de ne pas trop se montrer une fois que la série était terminée. Il sortait de chez lui, il allait acheter l'opéra, tout ça. Mais il l'a fait plus à la Greta Garbo. C'est-à-dire oui, il faut se souvenir aussi, juste parenthèse, c'est des séries qui ont été au départ Avengers tournées en direct, en fait, au tout début. Ah oui, je savais. Absolument. Tournées en direct. Les sitcoms, les télé, mais je savais pas. Bruno Gasso, vous qui êtes les mains dans le cambouis de la fiction pour Canal+, de moins en moins quand même. De moins en moins. Oui, de moins en moins. Je suis en train de prendre un petit virage vers un truc assez rigolo que vous verrez à la rentrée. Non, mais j'aimerais vous le dire. Ah oui. J'aimerais vous le dire. La pole dance. Voilà. Mais c'est intéressant. Vous revenez vers la rigolade alors. Ouais. Racheter des marionnettes ou non. Ah, non, alors, on va écrire des sketchs. C'est des marionnettes, non. Oui, écrire, pas forcément, non. C'est pas une émission sur Inter de 17 à 18, parce que comme ça, on me l'a proposé. Voilà, et je suis en train de me demander si du parrainage au cocufiage, je vais pas franchir le pas. Bah oui, non, c'est vrai que quand vous êtes passé par la politique, on s'attend à tout. Dans le cocufiage, on s'attend. Ah, maintenant, tu peux faire une partouze aussi, tous se mélanger. L'opportunisme dans tes manières. Mais vous le dites en me regardant, André. Il y a un problème. Opportunisme certain. Et dites donc, c'est vrai que la partouze en politique, ça peut être un sujet de fiction. Après Hard, il y a peut-être moyen de mixer la partouze et la politique. Alors j'ai vu que DSK pouvait revenir. Ça peut être un leader. Par contre, si on en manque dans ce point de vue-là, moi j'aurais aimé qu'il soit président. Parce que la Garden Party de l'Élysée le 14 juillet. Tout sa poêle dans les jardins avec des petits lapins qui gambadent. Vous voulez dire que Jacques is back veut dire et Jacques is back. Et Jacques is back, bien sûr. Voilà, on a le mystère élevé sur cette affaire. Ça aurait pu être quelque chose, ça. Oui. Alors, faites attention parce que dans votre dos, il y a un individu qui s'appelle Frédéric Frobet. Alex Vizorek, que dire de Frédéric Frobet? C'est là qu'il s'est mis tout Belfort à dos, tout Le Mans à dos, tout Reims à dos. Toutes les régions. Toutes les régions. Libanaise à la main, il ne peut pas être méchant. Mais par contre, que tout le monde adore quand même. Qu'est-ce que vous allez nous chanter, Frédéric Frobet, aujourd'hui? Eh bien, de l'actualité, de la chanson, c'est la rubrique Actualissons. Au pays des taxis, comme dans tous les taxis, on s'insulte, on cogne, on crie, il y a des méchants et des méchants qui n'écoutent même pas France Inter. Et pour sortir des moments difficiles, avoir un cric, c'est très utile. Paf dans la gueule, la sauvagerie, c'est la vie des taxis. Bon, ils craignent pour leur boulot, pas de panique, voici François Hollande. Toi, le flair que je n'ai jamais eu, qu'est-ce qui m'a pris si j'avais su? J'aurais rien dit pour le chômage. Cette promesse d'inverser la courbe, j'aurais mieux fait d'aller à Lourdes avec Julie sur le porte-bagages. Toi, le flair que je n'ai jamais eu, oulala, si ça continue, faudra compter ceux qui travaillent. On peut bien gagner sa vie sans boulot, en faisant semblant d'aller au judo, dans une commune des Hauts-de-Seine. Si ça ne va pas, à qui la faute? C'est chiant comme un discours de nouvelle donne. À Uber Pop, à Uber Pop. Et au taxi. Qui savent pas bosser sans NSAL. Attendez, je crois que la NSA nous écoute. Hein. Ah non, c'est pas nous. C'est pas le CSA. C'est pas nous. La NSA. Mais c'est pas nous en fait, je crois que c'est Hollande, Chirac et Sarkozy. J'entends le mou, le vieillard est à l'honnête. J'entends le mou, le vieux qui est l'excité. J'entends le mou, le vieillard est à l'honnête. J'entends, mais il n'y a rien à écouter. Pourquoi la NSA écoute ces gars-là? Hollande est au plus bas, et Chirac et Gaga. Pourquoi la NSA écoute ces gars-là? C'est bien la peine, zut, de se faire appeler Bismuth. J'entends le mou, le vieillard est à l'honnête. J'entends le mou, le vieux qui est le tout fou. Comme le dit une émission malhonnête. Si tu écoutes, j'annule tout. Bravo! Merci beaucoup! Et on est pour retour à partir du premier vendredi du mois d'août. Et oui, puisque nous serons de retour le 24 août sur cette antenne. Mais il sera à Avignon. Oui. Ah, alors dites-nous, oui. Frédéric, quand peut-on... Du 3 au 26 juillet au Théâtre Artaud à 20h45. Voilà, oh là tous là les taxis, là. Prenez bien note. Si vous, si vous habitez Belfort, Le Mans, Montpellier... Et le 9 juillet, il est de 18 à 19h dans l'émission de France Inter. C'est pas vrai avec vous peut-être. Oui, avec Clara Dupont-Mono, ça va s'appeler... L'amuse-bouche. Et il va donc torpiller Avignon, qui après nous jettera des tomates. Et on va retrouver aussi, bien sûr, André Manoukian cet été. À quelle heure, quel jour, tous les jours? À 10h, tous les matins, de 10 à 11. Oh là là, les routes de la musique. Merci à Bruno Gassio, notre parrain. C'est toujours un bonheur de vous avoir avec nous. Je rappelle la diffusion de Art saison 3 en ce moment sur Canal+ et en VOD, sur Canal Play notamment. Oui. Allez-y et faites-vous les 3 saisons. Ça fait du bien, c'est long, c'est l'été. C'est chaud. Merci à tous autour de cette. Et puis merci aussi évidemment à nos équipes. Vacances, ah bah écoutez, moi je suis chaud boulette là, je suis en vacances dans 40 secondes. Réalisation de cette émission, un immense merci à Benjamin Riquet, le talentueux Benjamin Riquet qui met aussi en scène nos blagounettes, nos sketchs. Merci à Nathalie Romero et Claire-Sophie Collet qui sont absolument précieuses, créatives et formidables. Merci à toutes les équipes techniques. On a passé une formidable année avec vous et on va laisser le flambeau dès lundi. Retrouver les meilleurs moments de la chaîne dans l'émission de Mathias Degel qui s'appelle L'esprit inter. C'est merci sympa, à ça. Tous et merci à mon binôme Alex Vizorek. Vous allez me manquer, je vous embrasse très fort. Le mot de la fin, parce qu'on se quitte. Quoi, Rayon, quoi qu'il arrive, c'est ça? The show must go on.